Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie romantique américaine. Erin et Garnett sont très bien ensemble, même quand ils ne le sont pas. Lorsqu'Erin, jeune étudiante en journalisme, part pour San Francisco terminer ses études, son petit ami Garrett, jeune découvreur de talents musicaux, reste à Manhattan pour suivre ses ambitions dans l'attente d'une promotion qui lui a été promise. Grâce à la connexion d'une webcam et le programme Miles Grand Voyageur, ils avancent tous deux leurs pions, naviguant au travers des pièges et des problèmes de communication de leur amour est-ouest. C'est quoi ton plat préféré ? Les tortellini. Tu aimerais mourir comment ? Une indigestion de tortellini. Bon, alors ton mensonge le plus minable pour faire partir une fille le lendemain matin. J'irai encore avec ma femme pour le petit-déj. Dan ! J'ai pensé que ce serait fun une petite ambiance musicale pour tirer ton coup. C'était quoi la règle ? C'est pas parce que j'entends tout à travers le mur que je peux participer. Voilà. Je pars dans 6 semaines. On la joue... plutôt léger. Sans MST, léger. Six semaines trop court. Moi bien avec toi. Je serai ici et toi là-bas, et on continuera à distance. Parce que je suis dingue de toi. Moi aussi, je suis dingue de toi. Trop loin pour toi, avec Drew Barrymore et Justin Long, un DVD Warner Home Video.